podcast des loulous, épisode 20. Bonjour à tous. Bonjour à tous, ça va Eni? Bah oui. T'es tout seul aujourd'hui? Oui, parce que Lou, elle a décidé de faire sa chialeuse. D'accord, bon bah ça arrive des fois, l'autre fois c'est toi qui faisais la tête. Dis donc, ça fait un moment qu'on n'a pas pris la parole sur le podcast, comment ça se fait? Parce que des fois on n'avait pas eu le temps. On n'avait pas eu le temps, ouais. On a tous un peu quelque chose à faire, hein. Bah, pourtant, oui. On en a du temps en ce moment. Oui. Ouais, mais quand même, hein, entre les devoirs, entre le boulot de papa et maman, entre tout ce qu'il faut faire tous les jours. Oui, aussi m'aider pour l'ordinateur. Pour l'ordinateur. Bah oui, moi maintenant j'ai un ordinateur. T'as un ordinateur? Bah c'est toi qui vas monter le podcast maintenant alors. Bah ouais. C'est vrai? Si tu me télécharges l'appli par contre. Ah bah on va essayer, tiens. Pourquoi pas, ça pourrait être... Et la prochaine fois, tu nous diras si c'est toi qui as monté le podcast et comment tu l'as fait. Oui. Ouais. Il n'y avait rien de particulier aujourd'hui? Bon. Dans ton travail, il n'y avait rien de particulier? Ils vous ont rien demandé de faire de particulier, Ronan? Si, l'évaluation, là. L'évaluation de quoi? De mathématiques, non? Oui. Il y avait une évaluation de mathématiques? Oui. Et c'est important, ça, alors? Oui, c'est très important pour apprendre ça. Parce que qu'est-ce qu'il va pouvoir faire après, ton maître? Après, il corrigera, et si c'est pas bon, il met une croix sur le numéro, et si c'est vraiment bon, et bah, il a un tampon chien excellent. Ah bon? Ouais. En plus? Donc en plus, t'as plein de chiens excellents si t'as tout fait de bon? Ouais. Et tu crois que t'as tout fait de bon? Dans mon cahier bulleux, j'en ai 20. De chiens? Mais l'évaluation de ce matin, tu crois que tout est bon? Pour moi, oui. Bon bah écoute, on verra bien, hein. Tu me disais qu'on allait peut-être changer de formule pour le podcast? Oui, des fois, on va faire le podcast des oiseaux. Ah, on va choisir un thème et on fera un thème à chaque émission, c'est ça? Ouais. Donc on va peut-être en faire un petit peu moins, ce sera peut-être pas tous les jours. Ouais. Et t'as choisi quoi comme premier thème? Le podcast des oiseaux. Alors explique-nous un peu ce que ça va être. En fait... On va vous faire écouter les oiseaux. Ouais. Et puis, ça va être quoi le but? Bah, de reconnaître le rouge-gorge. Ah, le rouge-gorge et puis les autres peut-être un peu bah aussi. Bah oui. On sait le faire nous ça? Bah non, parce qu'on n'a pas entendu le chant des oiseaux sur internet. Donc avant de faire le podcast, il va falloir qu'on apprenne à reconnaître le chant des oiseaux, qu'on aille dehors les écouter. Oui. Il va falloir les enregistrer aussi alors. Bah oui. Tu sais enregistrer les oiseaux, toi? Bah oui, je mets le micro vers le ciel. D'accord. On va te déguiser en épouvantail, alors. Tu vas te mettre en épouvantail avec un chapeau et tu vas tenir le... Le micro. Le micro? Bah non. Bah ça peut pas marcher, hein. L'épouvantail, il est là pour faire quoi? Pour se faire du froid quand on a trop chaud. Ah ouais, non, ça c'est pas la même chose. L'épouvantail, il est là pour faire peur aux oiseaux, non? Ouais. Ouais, toi tu confonds avec l'éventail. Mmh. Ouais. Bon. Donc on commence à partir des vacances, là? Bah tiens, c'est quand les vacances? C'est la semaine prochaine, je crois. Et t'as pas quelque chose à dire à tes copains, là? Est-ce que vous aurez des devoirs pour les vacances? Parce que moi, j'ai pas encore compris. Alors, ça, je suis pas sûr, Ellie, qu'il y ait des devoirs pour les vacances. Mais on peut peut-être leur souhaiter bonnes vacances. Bonnes vacances, mes copains! Et alors, ça va être des vacances particulières? On part où pendant les vacances? Je sais pas, parce que c'est pas encore prévu. C'est pas encore prévu? Ah, on va partir à Caen. Tu crois? S'il n'y a plus le coronavirus. Ah ben voilà, non, forcément, ben on va passer des vacances à la maison. Bah oui. Donc on va pouvoir faire plein de devoirs. Bah non, parce que peut-être il n'y en a pas. Ah, du coup, on sera tranquille. On verra demain, mais je pense que les vacances, hein, on va se reposer un petit peu. Ouais, ouais. Ouais. T'as autre chose à dire pour aujourd'hui? Non. Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi, toi? Je vais faire un peu d'ordinateur. Tu fais quoi sur ton ordinateur? Bah, il y a des jeux, il y a YouTube. Ouais, et c'est pour ça que t'as un ordinateur? J'ai Amazon. Ah, tu vas sur Amazon, toi? Ouais. Et tu fais quoi sur Amazon? Je regarde ce que je commandais. Ah ouais? Oui. Et tu crois que tu peux commander comme ça sur Amazon? Bah, je regarde le prix, évidemment. D'accord. Puis après, tu sors ta carte bleue et tu fais ton code et c'est ça? N'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? Mais comment on paye sur Amazon? Ah, bah tu vois, ça c'est un problème de grand. D'accord? Mais au début, t'as eu un ordinateur, pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéressait sur l'ordinateur d'abord? Les jeux, Non, c'était pas les jeux, t'as pas commencé par les jeux. Si. C'était pas le dessin et tu voulais pas écrire un livre sur ordinateur? Si, mais évidemment, l'application ne marche Ah pas. ouais, mais ça, on va pouvoir trouver une solution. Bon, on va chercher la solution, on dit au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde. On leur dit qu'on leur fait signe pendant les vacances? On vous fait signe pendant les vacances. Quand on saura reconnaître les oiseaux. Oui. Ok? Oui. Allez, au revoir tout le monde, bonnes vacances! Au revoir tout le monde. Bonnes vacances.